Sri Punja. La vérité est. Chapitre 2. Le soi. Deuxième partie. Je veux la révélation de l'être éternel indéfinissable. C'est ce que vous êtes. Pourquoi en douter? L'illumination ne concerne pas les mots, les pensées et les concepts qui peuvent être remis en question. L'illumination est toujours là. Par « ici », je ne veux pas dire cet espace présent. Ici, c'est quelque part à l'intérieur, là où le mental ne peut accéder. La présence est toujours ici, et vous êtes toujours cela. Ce « ici » n'est pas le contraire de là-bas. Ce « ici » n'est nulle part. C'est votre cœur. Tout le cosmos n'est qu'un grain de poussière dans votre cœur. Tournez votre mental vers cet « ici » et il disparaîtra. Alors seule la lumière, la sagesse et l'amour subsisteront, et vous ne serez ni différent ni séparé de cela. Si je ne suis pas cette forme corps-esprit, alors qui suis-je? Vous êtes l'informe qui prend la forme de Satyam, la divine vérité, Shivam, la divine providence, et Sundaram, la divine beauté. Telle est votre forme. Vous êtes la vérité, vous êtes Shiva, vous êtes la beauté. C'est ce sur quoi nous travaillons directement ici. Mais vous ne vous dirigez pas vers cela. Vous êtes cela. Je suis Satyam, je suis Shivam, je suis Sundaram. Je suis Sat Chit Ananda. Telle est la forme de l'Atman. Vérité, conscience, félicité. Tel est votre propre soi. Nul besoin de le désirer ardemment. Il est en vous. Le bonheur est en vous, c'est ce que vous êtes. La vérité est en vous, c'est ce que vous êtes. La beauté est en vous, c'est ce que vous êtes. L'amour est en vous, c'est ce que vous êtes. Cela s'adresse à votre propre soi. Je veux rester dans mon propre soi. Alors décidez que seul le soi existe. Et vous ne serez jamais en dehors de lui. Il est illimité. Comment pouvez-vous y entrer ou en sortir? Comment pouvez-vous entrer dans des limitations alors que vous êtes l'illimité? Décidez, je suis le soi, je suis la vérité, je suis Dieu, je suis la grâce. Et il n'y aura aucun problème. Je me sens chez moi dans la conscience. Et où êtes-vous lorsque vous n'êtes pas chez vous? La conscience est partout, et partout est chez vous. Partout n'est qu'un petit coin de votre cœur. Vous êtes aussi vaste que cela. Il n'y a pas de voyage, car vous êtes toujours chez vous. Abandonnez votre ego et vous êtes chez vous. J'ai fait un rêve pendant que j'étais en Occident, dans lequel vous m'avez donné le nom de Sat Chit Ananda. Que signifie ce nom? C'est le nom du soi, du sans-forme. Bien que tout le monde porte ce nom, il est caché au plus profond de votre cœur. Sat Chit Ananda est l'habitant intérieur de tous les êtres, mais peu le reconnaissent. Ce n'est pas le nom d'une personne, mais celui de ce qui possède les qualités de vérité, de conscience et de félicité, qui ne font qu'un. Partout où il y a la vérité, Satyam, il y a Chit, la conscience, et aussi la félicité, Ananda. Vous dites que c'était un rêve, mais je vous dis que ce n'était ni un rêve, ni l'état de veille, ni le sommeil, mais quelque chose qui transcende tout cela. C'est pourquoi on l'appelle le quatrième état, ou Turiya en sanskrit. Dans Turiya, vous avez le darshan de Dieu et recevez les messages de Dieu. C'est pourquoi ce rêve est si facile à retenir alors que vous avez tendance à oublier les autres. L'être est-il identique à Dieu? Est-ce le Sahaja Samadhi? L'être est très différent de ce que la plupart des gens appellent Dieu. Dieu est un concept que vous avez créé. L'être est simplement l'être, et personne ne l'a créé puisqu'il est au-delà des créations et des destructions. Il est ce dans quoi toutes les créations demeurent, y compris Dieu, et se nomme l'être. Le Sahaja Samadhi est la fusion de l'individu dans l'unité naturelle et l'être de toute chose. C'est le Samadhi qui n'implique aucun effort, aucune utilisation du mental. C'est le Samadhi naturel qui est votre état naturel. Si vous êtes ici et que vous ne pensez pas, c'est le Sahaja Samadhi. Vous pouvez manger, boire et mener n'importe quelle activité tout en étant dans le Sahaja. Le Sahaja Samadhi, c'est le soi dans l'expérience exquise de la plénitude de l'être. Qu'est-ce que la véritable conscience? Il y a la conscience qui est consciente des objets tels que les fleurs. La vraie conscience est la conscience qui est consciente de la conscience des objets. C'est la conscience simple et imperturbable dans laquelle les choses apparaissent et disparaissent. Il existe une conscience au-delà de la conscience des objets et des événements. Vous êtes cette conscience dans laquelle réside la conscience des objets. Cette conscience n'a pas de nom, et lorsque vous essayez de lui en donner un, des problèmes surgissent. Vous êtes sans nom et sans forme. Vous ne pouvez rien voir. Sachez que je suis sans nom et sans forme, et aussi que je suis conscient de mon propre soi. La conscience pure vous ramènera vers elle. Ce n'est pas vous qui entrerez en elle. Lorsque vous y entrez, c'est votre ego qui y entre. Mais lorsqu'elle vous attire, c'est qu'elle a choisi de vous ramener à la maison. Cela se produit d'une manière ou d'une autre, et nous ne pouvons pas savoir pourquoi. Seuls de très rares êtres sont choisis par la conscience. Une fois attiré, les voyages de cet homme sont terminés. Ne lui donnez donc pas de nom, sinon elle ne serait qu'un autre objet d'observation. Or, la conscience ne peut être observée. Elle est la plénitude même, l'infini, l'éternel lui-même. Vous devez fusionner avec elle. En réalité, il ne s'agit pas de fusionner. Il n'y a pas de mots pour décrire cela. Vous devez être aussi bon et pur qu'elle afin d'être choisi par elle. Vous ne pouvez y parvenir par vos propres efforts. Voyez simplement que vous êtes si beau que vous êtes choisi par l'époux. C'est ainsi que cela se termine. J'espère que vous avez compris. J'ai l'impression d'être un observateur distant de tout ce qui se passe. Cet observateur ne peut être touché par personne. Cet observateur est au-delà de toute identification, de tout nom et de toute forme. Ainsi, lorsque vous êtes cet observateur, personne ne peut vous toucher. Vous ne pouvez même pas vous toucher vous-même, et il n'y a aucune peur. Vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle forêt sans craindre les lions et les tigres. Regardez-les simplement dans les yeux et aucun ne vous dévorera. J'ai eu un aperçu de la conscience suprême. C'était l'expansion de la conscience et l'absence d'un centre d'existence. Lorsque vous avez un aperçu de quelque chose, vous devenez l'observateur de cet aperçu, et ce que vous apercevez est l'objet de votre vision. Pour avoir un aperçu, il faut donc un observateur, une vision et un objet à voir. Alors comment pouvez-vous avoir un aperçu de la conscience suprême, puisque celle-ci ne peut jamais être l'objet de quiconque? Même Dieu ne peut l'avoir, car Dieu lui-même est un objet de perception vers lequel le dévot tourne son amour. Le dévot est en son esprit, et celui-ci devient Dieu. Cet aperçu de la superconscience est impossible. Elle ne peut être objectivée, car elle est le sujet, bien qu'à vrai dire, elle ne soit pas non plus le sujet. Là où il n'y a pas de relation entre le sujet et l'objet, il ne peut y avoir d'aperçu. Le monde entier est observateur, le voyant, et l'acte de voir, la vision, est objet perçu, le vu. Mais vous ne pouvez pas classer cela dans une catégorie. Quand quelqu'un a un fort désir d'être libre, il se dirige vers la superconscience, fusionne avec elle et devient cela lui-même. Quand un papillon de nuit vole vers la flamme et l'embrasse, que se passe-t-il? Il n'y a plus de papillon. La flamme s'élève dans la joie et dit « Viens, mon cher enfant, je t'attendais. » Ce papillon ne reviendra pas. Il est devenu la flamme. De même, il ne peut y avoir d'aperçu. Quiconque veut être libre est guidé par quelque chose qui l'appelle. Quel est le rapport entre l'énergie, la lumière dorée et la conscience? L'eau, en anglais, se dit water, en espagnol, agua, et en hindi, pani. Trois termes différents pour désigner la même substance. Vous pouvez donc l'appeler Shakti ou lumière. La lumière signifie avoir la connaissance de quelque chose, par exemple la connaissance de l'enfant disparu. Avec la lumière, vous pouvez voir l'enfant et cette lumière est la connaissance. La connaissance est l'énergie qui vous amène à savoir que vous êtes un. Vous êtes la connaissance elle-même et l'énergie, et c'est la même chose que la conscience. Seuls les mots diffèrent selon les personnes. Une personne dira « je veux être libre ». Un bouddhiste dira « je veux être vide ». Et d'autres encore veulent le nirvana. Tous ces mots différents désignent la même chose qui n'a pas de nom. Pani, agua, water, mais l'eau elle-même n'a pas de nom. C'est donc vous seul qui l'appellerez conscience, lumière ou énergie. Mais elle ne connaît pas son propre nom, car elle est sans nom et sans forme. Partout où il y a un nom, il doit y avoir quelque chose qui n'est pas vrai. Tout nom ou toute forme vous conduit vers cela qui n'a ni nom ni forme. Comment trouverez-vous ce qui n'a ni nom ni forme? N'essayez pas de rechercher ce qui est sans nom et sans forme, car vous n'y parviendrez pas. Mais cette lumière est là, et c'est la connaissance. Cette énergie est la conscience. Il n'y a aucune différence. Shakti et Shiva sont identiques. L'une est la connaissance, et l'autre est l'énergie de savoir « je suis moi-même Shiva ». L'énergie ne peut pas mourir. L'énergie demeurera toujours. Les formes peuvent paraître ou disparaître, mais l'énergie sera toujours présente. En tant que substrat? Oui, c'est le substrat. Et maintenant, le substrat sait, par l'énergie, que je suis le substrat. Cela ne fait aucune différence. Cette connaissance de l'énergie que « je suis cela » est l'énergie elle-même, la connaissance elle-même, la lumière elle-même, la sagesse elle-même. C'est ce qu'on appelle aussi la liberté. Mais je peux avoir la conscience et je peux avoir la conscience de l'énergie. Elles ne sont donc pas distinctes? Non, elles ne sont pas séparées. La vague s'élève de l'océan et semble séparée. Son nom est différent, son mouvement est différent, sa hauteur, sa largeur et sa profondeur sont différentes. De plus, elle bouge et oublie désormais qu'elle était autrefois l'océan. Il n'y a aucune différence entre le contenu de l'océan et celui de la vague. Ainsi, la vague sait désormais d'une certaine manière quel est l'océan. Qu'il y ait donc un mouvement vers le rivage, qu'elle monte, descende et disparaisse, c'est le monde qui apparaît et disparaît, mais l'océan ne s'en inquiète pas du tout. Le substrat, l'essence, ne se soucie pas d'être devenu une vague, et la question de la montée et de la descente ne se posera pas. Ainsi, l'énergie sera toujours là. Non, elle sera toujours ici. Partout où il y a un océan, il y aura une énergie qui permet aux vagues de se former et de disparaître. Et lorsque nous mourrons? C'est comme une vague qui retombe dans l'océan. Vous n'avez entendu parler de la mort que par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas votre expérience. Par conséquent, vous avez accepté que vous mourrez uniquement parce que vous avez accepté de quelqu'un d'autre que vous êtes né. Mais l'énergie elle-même, la substance elle-même, ne meurt pas. Le corps, comme la vague et les formes, disparaîtra, tandis que l'essence ne peut pas changer. Cette compréhension s'appelle l'énergie. Le retour au substrat s'appelle Shiva, l'océan qui ne change pas. Je veux entrer dans la grotte du cœur et y rester. Ici et maintenant est la grotte du cœur. Dans les livres, il est écrit qu'il existe une grotte dans le cœur, et c'est sans doute dans ces anciens textes sacrés que vous avez puisé cette idée. Votre désir de trouver cette grotte vous éloigne du présent. Vous perdez alors l'expérience du présent et partez à la recherche d'une grotte qui n'existe pas. N'essayez pas de vivre dans une grotte, car la grotte n'est qu'un concept. Vous ne pouvez vivre que dans le présent. Lorsque vous vivez dans le présent, vous n'avez plus aucun désir d'autre chose et, de même, vous ne serez dans le présent que lorsque vous aurez renoncé à tous vos désirs, même celui d'être dans le présent. Renoncez à tous vos désirs de rester ici ou là ou ailleurs, et renoncez aux désirs de ceci et de cela. Comment puis-je renoncer à tout désir? En gardant le silence. S'il vous plaît, dites-moi, ai-je perdu mon identité ou ai-je trouvé mon moi qui n'a pas d'identité? Vous ne savez pas quelle identité vous avez perdue et quelle identité vous avez trouvée. L'identification au corps est l'identité. Vous devenez alors un fils, un père, une mère ou autre. C'est l'identité physique, et tant qu'elle persiste, vous ne pouvez pas voir l'identité au-delà de toutes les identifications. Tant que l'identification au corps demeure, vous ne pouvez pas avoir l'identité au-delà de toutes les identités, l'identité du « je suis ». Il s'agit ici de l'identité avec votre propre soi, et non avec l'ego, l'esprit, le corps, l'essence et les objets. Comment puis-je détruire totalement le mental afin que la beauté du soi puisse briller éternellement dans la liberté ultime? Soyez l'océan de félicité et vous ne verrez plus les relations avec le monde. Vous ne verrez plus que l'océan. Vous n'aurez plus aucune relation avec ce qui est en dehors de l'océan. Seulement une connexion avec votre propre plénitude d'eau. Cette plénitude est votre état originel et vous devez en profiter. Restez dans l'océan, en tant qu'océan, en ne pensant qu'à l'océan, toujours. Rien d'autre que cet océan ne devrait venir à votre esprit, à vos yeux ou à votre contact. soyez toujours en contact avec le contenu de l'océan. C'est ce que vous devez faire. Pensez à cela, sentez cela, entendez cela, touchez cela. Cela mettra fin à vos conflits. Il y a un an et demi, lorsque j'ai reçu le Diksha, l'initiation, tout a changé, même si rien ne semblait différent. Je vous suis très reconnaissant. Papaji, il y a une petite flamme qui brûle dans toute sa plénitude et j'en suis le serviteur, même si ce n'est pas toujours de mon plein gré. Merci. Où voyez-vous cette flamme bleue ? Je ne la vois pas, bien qu'elle soit partout où je regarde. Elle est là, mais vous ne pouvez pas la voir. Vous la sentez cependant. Elle vous regarde. Cela signifie que vous êtes quelqu'un de rare, une personne chanceuse que cette flamme peut regarder. Cette flamme est la divinité elle-même. Elle n'a pas de forme, ni même de nom. Cela fonctionnera, vous devez persévérer. Cette flamme se révélera dans toute son absence de forme. Tout comme vous voyez l'aube avant le soleil, avoir eu une vision de la flamme montre que vous êtes sur la bonne voie. Gardez-la, restez calme et voyez simplement que vous n'avez rien à faire. Cela vous attirera toujours et c'est ce qu'on appelle la méditation. Lorsque vous êtes attiré par quelque chose, cela s'appelle la méditation et c'est la meilleure attraction et la meilleure forme de méditation. Alors laissez les choses telles qu'elles sont. Je pourrais vous en dire plus, mais je ne le ferai pas ouvertement, car beaucoup de gens copieraient votre expérience et commenceraient à voir des lumières bleues, puisque cela devient ce que vous imaginez. Mais ce ne serait que de fausses expériences. Cette lumière est à l'intérieur et reflète ce qui est à l'intérieur vers l'extérieur. Elle est dans votre propre cœur et la voir est un bon signe qui vous apportera paix et bonheur, tout comme le fait le grand ciel bleu. Vous devez voir cette lumière, de la taille d'un pouce, dans votre cœur. Cette lumière dans votre cœur illumine tout l'univers à partir d'ici. C'est la lumière de votre propre soi, de votre propre Atman. Lorsque vous êtes pur, sans désir, vous pouvez imaginer ou ressentir cette lumière et vous ne pouvez jamais vous en débarrasser, car elle est toujours avec vous. Où que vous regardiez, voyez cette lumière et voyez qu'elle est votre propre soi. Cette lumière veut vous apparaître dans le satsang, et non lorsque vous êtes au marché aux poissons. Le marché aux poissons ne vous donnera que de mauvaises odeurs, et la plupart des gens préfèrent cela.